J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. La vie c'est dur, merde les j'suis dur. Je recoupe la pure, faut faire des ronds, un cœur de as. Je sais pas, je t'aime pas, tu m'aimes pas. Bravo, bref, faut faire du bif, on a intérêt. Donc parlons-en. Y'a pas d'amis pour ta bitch, pas de temps. Faut que tu piches, que tu bif, que la mif. Bah ouais. Je sais pas ce qu'on sera dans 10 ans. Mais disons pour l'instant, je vais tomber mes étoiles impuissants. Je suis seul sur ma planète et je nique tout en disant Hamdoulay dans ma galère. C'est sale quand je vends la cam. Mais bon, croyez pas que je kiffe des remords quand je suis à table. Baba, je bibi en bas. Le temps passe, je vois le soleil se lever, se coucher. Je mens quand je dis ça va. La vérité c'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis totalement pété, gros pété. Viens prendre ta cons avec Nabil, on n'est pas à 11. Oh là là, un verre pour le salaire et je sers même le week-end. La putain de sa mère. Baba, je bibi en bas. Tant pas, je vois le soleil se lever, se coucher, je mens quand je dis ça va. Hey, mes ennemis, la vengeance sous la grêle. Hey, mes amis, on danse ou on crève. J'suis dans le four, j'ai chaud, j'ai la dalle. La pesanteur sur le dos qui s'installe. Et la vitale. Loca nous rend animal. Tout niquer devient vital. Je me défonce pour me rappeler. Je me défonce pour oublier. Salut, salut. Je me défonce dans l'obscurité parce qu'on aime voir l'ombre briller. La lune, la lune. Le temps qui passe me chuchote. Ma biche, c'est ta faute. Nous reste toutes ces bougies à souffler sur la côte. Le roi bien profond pour caresser le trophée. Tu veux qu'on te sauve, c'est même la pas sauvé. C'est que je suis autant obsédé par l'argent que je suis totalement pété, gros pété. Viens prendre ta cons avec Nabil, on n'est pas à 11. Oh là là, un verre pour le salaire et je sers même le week-end. La putain de sa mère. Baba, j'bibi en bas. Tant pas, j'vois le soleil se lever, se coucher. J'mens quand j'dis ça va.